Desdemona affirme alors haut et fort son amour pour Othello et demande à le suivre dans son expédition à Chypre. Othello choisit alors, pour escorter Desdemona, Iago et son épouse Emilia, femme de chambre de Desdemona. Resté seul, Iago est alors rejoint par le gentilhomme vénitien Roderigo, rencontré au début de la tragédie. Amoureux fou de Desdemona, qu'il voit lui échapper, il est sur le point de se noyer. Mais Iago lui redonne espoir.